vous bénisse. Amen. Bwana Mungu anibariki. Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nasalimia kila mmoja wenu mjina la Yesu Kristo. Si le frère Gracie est déjà là. Kama ndugu Gracie komu. Qu'il me projette la carte d'Israël avec ses voisins. Kama ndugu Gracie chafika atweke ko carte ya Israël na bajiriani yake. Que les techniciens vérifient sur la machine. Wafundi mpate kuangalia pa ordinateur. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel au chapitre 39. Fungule ma Biblia yetu mu Ézéchiel makumi tatu na tisa. Ézéchiel au chapitre 39. Ézéchiel, makumi tatu na tisa. Nous prenons le verset 2. Tunachukua mstari wa pili. Et le verset 3. Na tatu. Est-ce que les techniciens sont déjà prêts? Eti ofundi mko tayari? Prions. Tuombe. Notre Père. Baba yetu. Toi seul, tu es notre lumière. Tu es le chemin qui nous conduit à la vie. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Merci pour ce beau temps que tu nous as accordé pour venir écouter ta parole. Merci pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Accente kwa ukovu utupatia ndani ya Yesu Kristo. Viens encore cet après-midi. Imangaribi upate kuja tena. Comme tu descendais dans le jardin d'Eden. Kavile uranza kushuka bustani ya Eden. Parle Seigneur. Useme Bwana. Communie avec nous. Ushiriki pamoja nasi. Révèle-nous tes voies. Utufunulie manjia yako. Et nos cœurs se réjouiront en toi. Na mioyo yetu itafurahiwa ndani yako. Tu connais nos problèmes. Wewe unajua mahitaji mambo yetu. Toi seul tu peux y répondre avec satisfaction. Njo unaweza kujibia na furaha yote. Merci Seigneur. Asante Bwana. Accorde-nous ta grâce. Patie tena neema yako. D'être conduit par le Saint-Esprit en toutes choses. Pate kuongozwa na Roho Mtakatifu vitu vyote. Guéris le malade parmi nous. Bagonjo katikati yetu pate kubaponya. Trouve solution à nos problèmes. Udlete jibu kwa mambo yetu. Que le nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Soit véritablement notre bouclier en toutes choses. Akika ipate kwa ngabo yetu mkila kintu. Au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Ézéchiel 36, nous lisons ceci. Ézéchiel, makumi tatu na sita. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Nawe, mwana wa mutu, upate kutabiri yura Israël pa mulima. Tabiri. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Utasema milima Israeli pate kushikia neno la milele. Shikieni. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ivi bwana wa milele anasema. Parce que l'ennemi a dit à ton sujet. Sawa vile adui alisema njoo yako. Ces auteurs antiques sont devenus notre héritage. Ces auteurs, les milima zamani, sont devenus notre propriété. Inakuya mali yetu. Prophétise et dit, tabiri na useme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ivi bwana wa milele anasema. Oui. Ndio. Parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster. Sa ville baripenda kumangambo yote kumiharibu. Et vous engloutir. Na kumitumbukiza. Pour que vous soyez la propriété des autres nations. Kusudi mupate kuya mali ya mataifa ingine. Parce que vous avez été l'objet de discours et de propos de peuple. Ça veut dire que la Chine a maoutouba na misema wa taifa. Montant d'Israël, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ma milima Israël, mon pate kusikia neno amilele. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux collines et aux montagnes. Milima ajou na kidoko ivyo amilele bwana anasema. Au ruisseau et aux vallées. Mito kidoko na mabonde. Aux ruines désertes et aux villes abandonnées. Mafatia jangwa na miji ile inesha kuachiliwa. Qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ile kuwa sawa chakula na bujanja kwa miji ya kando kando. Qui ont servi de proie et de risée kitu kya kuchekeleo. Kwa sawa kitu chakula kya kuchekelea. Aux autres nations d'alentour. Mataifa ya kando kando. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Ivi bwana wa milele anasema. Oui. Ndio. Dans le feu de ma jalousie. Mwile moto ya makasirani kasirani yangu. La jalousie. Mwivu yangu. Je parle contre les autres nations. Nunasema juu ya mataifa ingine. Et contre Edom tout entier. Na ku Edom yote mzima. Qui se sont donné mon pays en propriété. Walaribeba inchi yangu na kuwa yabu. Avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme. Na fura ya moyo yabo yote na kubeula kwa nafsi yabo. Ils ont le mépris contre Israël. Ils se sont réjouis parce qu'ils ont récupéré le pays d'Israël. Sababu baribeba inchi ya Israël. Et dans leur cœur, ils méprisent Israël comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui mérite d'être traité de cette manière afin d'empiller les produits. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Faites toujours un effort pour lire la Bible. Hein, Jonathan? Oui. Tu dois fournir beaucoup d'efforts pour lire la Bible et prendre le sens des termes bibliques. Ça va beaucoup t'aider à prospérer comme interprète. C'est depuis hier que nous parlons des prophéties qui concernent tous les voisins d'Israël. Tangia jana tulianza semea maonabi inaangalia majirani ya nchi yote ya Israeli. En considérant les relations qu'Israël a avec d'autres nations qui l'entourent. Et Dieu, en voyant les intentions de leur cœur, Dieu a regardé leur cœur. Il a vu l'objectif principal qui pousse les voisins d'Israël à être avec lui en conflit continuel. Ces voisins qui, selon la chair, comme nous l'avons montré hier, tous viennent d'Adam. Après le déluge, ils viennent de Noé. Noé n'a eu que trois fils. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre est remplie aujourd'hui. Il y a eu Sem. Pourquoi Sem? Il y a eu Cam ou Cham. Pourquoi Cam ou la Cham? Et enfin, il y a eu Japhet. Na kumwisho kukuya Japhet. Avec les événements qui ont précédé le comportement de tous ces gens, qui n'ont jamais apprécié que le choix de Dieu tombe sur Jacob. Qui n'ont jamais apprécié que le Dieu Tout-Puissant se révèle tout entier à Jacob. Ils n'ont jamais apprécié que le Dieu Tout-Puissant s'approprie Israël. Ils n'ont jamais apprécié que le Dieu Tout-Puissant donne un pays propre avec des limites précises à Israël. Afayaka vile wa milier alipatia Israël na mipaka inchi. Et dans leurs discours qu'ils tiennent entre eux. Mule mautuba wala mamkusaniko ile mafanya katikati yao. Ennemi d'Israël. Sawa adui ya Israël. Ils se disent. Beko nasema katikati yao. Il faut chasser Israël de son territoire. Na fazari fukuza Israël mlongo yake. Et nous allons nous occuper de son territoire. Na chie tutekala mungu. Nous allons nous partager son territoire. Takabulana wala gawanyana. Nous allons effacer même les noms d'Israël. Na ata injini ya Israël. Et nous allons effacer le peuple juif. Ata wa Yuda wote tupate wapoteza. Et Dieu a vu leur projet. Na Mungu aliona ile mapu yabo. Un objectif précis. Ah, kifukuzio. Vouloir exterminer Israël. Kimoya tu ilikuya nikumaliza kabisa Israeli. C'est pourquoi le maître du ciel et de la terre, kwa maana mwenye mbingu na dunia, appelle tous les voisins d'Israël comme des méchants. Eko naita bajirani yote ya Israël asema ni watu wabaya. Des hommes et des femmes qui n'acceptent pas le pardon. Ba naume na banamuke bala baichike usama. Des hommes et des femmes qui agissent sous la fureur, sous la colère. Des hommes et des femmes qui sont remplis de la haine. Des hommes et des femmes qui ne sont jamais habités par un sentiment d'amour dans leur cœur. Ces hommes et ces femmes qui sont remplis de la vengeance contre Israël. Ababantu banayala paka na kulipishana kisasi kwa Israël. Ils font des complots. Il prend des projets pour anéantir Israël. Et nous avons dit hier, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le dessein de Dieu sur Israël. S'ils le savaient, ils n'auraient pas fait ce qu'ils font à Israël jusqu'aujourd'hui. C'est en voyant leur comportement à l'égard d'Israël, c'est en voyant leur haine contre Israël, c'est en voyant leur projet sur Israël, le Dieu du ciel a prophétisé sur chaque nation, sur chaque pays, et sur chaque voisin d'Israël. C'est vrai, frère. C'est vraiment cher. C'est ce que nous avons commencé à montrer hier. Il méprise Israël. Ce sont des orgueilleux. Ils parlent avec arrogance contre Israël. Ils ont fait un front commun pour détruire Israël. Et Dieu voit tout cela. Dit, nous voulons gagner, nous voulons nous partager leur territoire. Mais ils ont oublié qu'Israël fait partie de Dieu. Et même le territoire qu'Israël occupe est premièrement le territoire de Dieu. L'Église est avec moi. Israël et Dieu Israël la Mungu est une seule personne. Ni mutu moya. Dieu est la tête. Mungu jo kichwa. Ainsi Israël est le corps. Na Israël jo maungu. Dieu est le mari. Mungu ni bwana. Ah, d'Israël. Wa Israël. Et Israël est sa première épouse. Israël jo muke wa kwanja. C'est pour vous voyez dans les Écritures, il dit, je l'ai répudié. C'est sa femme. Et il veille sur ça. Vous voyez, frère. Et Dieu dit, si moi je les ai châtiés, c'est moi qui les ont offensés. C'est moi qui suis leur père. C'est moi qui suis leur maître. Ni mie barikosea. C'est moi. Aina moye mataifa. Pas à vous les Israël a ricosea. Israël a offensé. Comme mimi la mupika. Moi la mupika na mapendo. C'est avec amour. Ça moi. Maintenant vous. Je veux vous supporter. Je ne peux pas. Pendant que mimi la discipliner mutoto yango. Moi quand il a nyolosha mon fils. Ça ça moi et mupende ça ça kumujimisha. Vous voulez le détruire. Les défauts complètement. Je ne peux pas accepter. Allez, vous me verrez sur votre dos. Njia Bilamba muri mutendea. Ce que vous avez fait. Israël wakati niko miko na mupika fimbo. Tu ya kumurudisha kwangu. Bila vibaya byote. Muri mutendea. Moi l'Éternel. Moi son Dieu. Je vais me venger sur vous. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi même les mondains comprennent ça. Il dit, tous ces pays ici-bas. La Bible et la Bible dit, ce que toi tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes l'amour, kama unapanda mapendo, tu vas récolter l'amour. Ni mapendo jolo tavuna. Si tu sèmes la haine, kama wewe unapanda chuki, tu récolteras aussi la haine. Utavuna na wewe chuki. Si tu sèmes la destruction, kama wewe unapanda tu seras aussi détruit. Na wewe atakuharibifu, batakuharibifu. Tout ce que tu veux, ile yote unataka, que les hommes fassent pour toi, watu bakutendee wewe, fais-le pour les autres. Ifanye na wako batu parce que tu récolteras de bons fruits à un bon moment. Ya mzuri utavuna mwakati mzuri. Mais ce n'est pas ce que les voisins ont fait. Mais lakini aina ile bajirani bo walifanya. Ils se sont réjouis. Ouais, Léa ici. Hein. C'est-à-dire, c'est l'explosion de la joie. Nikusema ni furaha inapasuka. Pale bana munyanganya Israël Boulongo, quand ils ont ravi le territoire d'Israël, mikono, ils ont acclamé, ils ont dansé, ils ont joué au tambourin, et ils se sont dit, fascine, mali yake, lui avons ravi sa copine, yake, lui avons ravi sa copine, ça ne peut jamais piétiner le vallée et les montagnes d'Israël. C'est souvent ce qui arrive aux gens. Maraming, Dieu l'a fait à Kubat. Tu vois, quand quelqu'un se venge sur quelqu'un d'autre, il se croit être très intelligent. Il se croit être très sage. Il pense qu'il est très fort. Mais il ne connaît pas la suite. C'est ça le problème. Satan t'a connu, je sais pas qu'il est bon à Il va te montrer le premier phase. Mais Satan t'a connu, il est à Koufiki à Kiesho. Ce qui va arriver demain, le lendemain, ou l'année qui suivra, il est mien qu'il est bon à les années qui vont suivre, les diables ne vous montreront jamais ça. Parce que Satan ne connaît pas l'avenir. Mais Dieu lui connaît l'avenir. C'est pourquoi il est un Dieu à craindre. Ces auteurs antiques sont devenus notre propriété. Non, antique, Milima. C'est le langage biblique. Les auteurs. Milima. Ni Milima Yanzamani. Milima Yanzamani. Il est mon parti à Israël. Que Dieu a donné à Israël. Il est Jacouya Mali et tout. C'est devenu notre propriété. C'est devenu notre propriété, notre héritage. C'est vrai. Nous quoi Ils disent. Les voisins. Israël ne mérite pas le respect. C'est ma Israël. Israël est à quoi chimia. Comme Awei a peine de quoi chimia. Bantu Bengine. Si vous ne voulez pas respecter. Awei a bat à quoi chimia. Certainement, on ne vous respectera pas aussi. Comme Awei. Si vous. A peine de quoi saïdi à Bantu Bengine. Vous ne m'avez pas aidé. Ou yon Awei a semé à bat à quoi saïdi. A bat à quoi saïdi à Mouakati à Matesh. Pourtant, on ne vous aidera pas aussi. Qu'il est où qu'on attendait avec Nguine Njo qui l'a en bas haut? Faites pour les autres. C'est ce qu'on fera aussi à vous. Il est qui pue mon copimien à Yobengine. La mesure par laquelle vous mesurez les autres. C'est la même mesure qu'on vous mesurera aussi. C'est vrai, frère. Mkweli. C'est vraiment sœur. Mkweli dad. C'est pourquoi. Du Kwamana. Respectons la parole de Dieu. De Chimieni, Nenamung. Respectons nos frères et nos sœurs. Et au-delà de cela, respectons même les païens qui n'adorent pas avec nous. Même les gens qui n'ont pas la même foi que nous. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils peuvent devenir demain. S'ils croient demain. Tu vas te repentir pour le mal que tu lui as fait. Utenda kutubu jua le bubaro fanya mwakata kompagano. Voyez, vous serez en difficulté. Non, mutakwa tout magum. C'est pourquoi agissons avec sagesse. Jokomana, tu n'as pas choisi utenda na ekima. Regardez dans Ézéchiel chapitre 28. Mo Ézéchiel, makumbi na mnan. Nous continuons toujours. Pendelia. Sur les prophéties qui concernent les voisins d'Israël. Il est mon abi, il est na elekea bajirani ya Israël. Ézéchiel 28. Ézéchiel makumi mbili na nane. Regardez le verset 26. Ongare musaki makumi mbili na sita. Dans le verset 25. Musaki makumi mbili na tano. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ivi bwana wa milele. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël au milieu des peuples où elle est dispersée. Wakati mitakusanyisha nyumba ya Israeli katikati ya mataifa mule lizambalala. Je manifesterai en elle ma sainteté. Ndani yabo mitaonekanisha utakatifu yangu. Aux yeux des nations. Umacho ya mataifa. Et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Na watekala muinchi yabo ilinipatia mtumishi wangu Yakobo. Watekala muinchi yabo, ce sont les 12 enfants de Jacob. Watekala muinchi yabo, que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Dans leur pays, ilinipatia mtumishi wangu Yakobo. Ils y habiteront en sécurité. Watekala mukatika ukingo. Et ils bâtiront des maisons. Na watajenga manyumba. Planteront des vignes. Na, watahotesha mitini. Ils y habiteront en sécurité. Quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et ceux qui les méprisent, et ils sauront que je suis l'Éternel, le Dieu. Dieu dit, quand je vais ramener Israël, je vais veiller qu'ils bâtissent les maisons et qu'ils les habitent, qu'ils fassent leurs champs et qu'ils mangent les fruits de leurs champs. Et je vais faire en sorte qu'Israël soit en sécurité. Voyez bien, mes frères, qu'il habite ce territoire avec confiance, que la main de l'Éternel est à et pour nous, et la main de l'Éternel est contre tous nos ennemis. Et pendant cette période, moi l'Éternel, je vais exercer mes jugements contre tous ces pays qui les entourent et tous ces pays qui ont méprisé Israël, mon peuple. Je les châtierai et ils comprendront que c'est moi qui suis l'Éternel. Vous voyez ma sœur, vous avez méprisé ses enfants. Maintenant, les propriétés des enfants, c'est fâché. Vous avez méprisé son pays. Les propriétaires du pays, c'est fâché. Et quand les propriétaires se fâchent, c'est le malheur qui tombe sur vous. Frères et sœurs, même lorsque nous sommes vous et moi, les Palestiniens, Palestiniens et tous les pays qui entourent Israël passent des moments très difficiles. Regardez Gaza. Voyez la vie. J'ai souvent dit la vie qu'ils mènent. Comment on a fait comme en Palestine, lorsque vous arrivez en Israël, Mounanza pour traverser ma ville, y a pas palestinien. Lorsque vous voulez traverser les villes palestiniennes, ah, il a monté à ta combien à semer. Personne ne vous dira. Y a pas les palestiniens. Et les autres sont des palestiniens, non. Ouais, moyen, vous verrez la différence. De vos propres yeux, vous allez constater la différence. Il connaît on est quand on a match, c'est vraiment visible. Vous entrez dans des contrées où il y a des voleurs, il y a des ravisseurs, il y a des escrocs. Ma ville palestinienne, même le guide là qui vous conduit, il dit attention, nous entrons dans des territoires dangereux. Il y a beaucoup de voleurs. Que chacun tienne fort son sac, qu'il protège son passeport, qu'il protège son argent. Et c'est vrai, comme on a les gammes, c'est spécialiste. Si vous êtes distrait, bon, bah, chaque jour, ça n'a pas de économie, y'a beaucoup de chines, ça n'a pas de c'est tellement par terre. Et ils vivent comme ça. N'a pas de chine, pas la ville, n'a pas de chine. Des voleurs. Si Israël ferme ses frontières, c'est fini. Ils vont entrer en souffrance. Quand vous allez du côté de la Jordanie, vous verrez, ils souffrent. C'est le Jourdain qui les sépare. Ni Jourdain, tout, Dieu ne va Kaboula. Outaona. Verrez. Ça, coule coco, frère Nono. De l'autre côté, là où il y a un frère Nono. Apa Miko, Apa. Là où je suis, là ici. Jom Israël. C'est ça. Le Jourdain qui passe au milieu. Comment on a gardé à Bouingi, à votre touriste. Lorsque vous regardez l'homme. Mais comme côté à Israël. Ils sont du côté Israël. Ce sont des milliers. Mais comment on a gardé à. Quand vous regardez. Les lieux à tourisme, il y a un Jourdain. Il n'y a pas beaucoup de gens. Ça vous frappe pas, ça vous prend les nus. Il est ikunone kana tukumancho. C'est vrai, frère. Yakweri nduku. C'est vrai, ma sœur. Yakweri dada. Dieu s'occupe des méchants. Mungu anekalaka mkwangaikia batu ya Romba. Ah, d'Israël. Israël. Les méchants qui sont contre Israël. Batu babaya, bale bina kumbanisha Israël. Prenons psaume, évoluons un peu. Twendele kidoku. Psaume 83. Zaburi. Psaume 83. Kumnane atatu. Verset 1 à 19. Kwanza, paka. Prenons le verset 2. Oh Dieu. Oh mon. Ne reste pas dans le silence. Ushibakie kimia. Ne t'étais pas. Panakala kimia. Et ne te repose pas, oh mon Dieu. Ushipumuzike, oh mungwa. Car voici tes ennemis s'agitent. Kwani angaria badu yako bena tinka tingika. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Wale auchukia banamsha kichwa. C'est comme je vous le disais hier. Quand vous haïssez un fils de Dieu, wakati unachukia mtoto tu moyo wa Mungu. Vous haïssez Dieu. Sema ni Mungu unachukia. Quand vous avez un problème avec un fils de Dieu, wakati unakuwa na mambo na mtoto wa Mungu. Vous avez un problème avec Dieu. Sema unajinisha mambo na Mungu. Dieu lui-même a juré à Abraham. Mungu mnyakumlapia Ibrahim. Il a dit clairement. Alisema wazi wazi. Celui qui te bénit, kwamba ula na kubariki. Sera aussi béni. Naye atabariki. Celui qui te maudit, sera maudit. Naya talani. Quand vous maudissez Dieu, votre malédiction retombe sur ta tête. Quand vous maudissez un fils de Dieu, vous maudissez le peuple de Dieu, vous maudissez l'église de Dieu, la malédiction là retombera sur sa tête. Sur ta tête. Oui, bien aimé frère. Il s'agite. Beko na tenka tenka. Menangaika. Ceux qui taïssent, lève ta tête. Benalamusha kichwa. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Beko na mapu ya bujanja bujanja kutaifa yako. C'est pourquoi je vous disais dans les jours passés. Même les négociations qui existent entre Israël et les Arabes. Il est ma patron de Kala katika Israël na Arabe. Il y a trop de pièges qui sont tendus à Israël. Manekala kamgumtekia tekia tumiteko Israël to mingi. Ils ont de la ruse dans ce qu'ils disent. Bilebe onasema munekala bujanja. Même les alliances qu'ils signent. Ata mwile maagano manekala. Il y a des ruses, il y a des pièges. Paka tumiteko wala bujanja. Qu'ils font contre Israël. Heureusement, Dieu voit tout. Et ils font ces choses pour tendre des pièges à Israël. Mais le maître d'Israël, le propriétaire d'Israël, le Dieu d'Israël, il voit toutes les ruses, tous leurs plans qu'ils conçoivent contre Israël. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Contre ceux que tu protèges. C'est Israël que Dieu protège. Mais ses voisins font des complots. Il dit que contre lui. Vous voyez. Il délibère contre ceux que toi tu protèges. Le verset 5. Venez, disent-ils. Ils appellent qui? Ils ont appelé les Égyptiens. Les Jordaniens. Les Jordaniens. Les Syriens. Les Libanais. Les Iraniens. Vous voyez. Les Irakiens. Les Yéménites. Tous ces gens, les Gazaouites, Banaïtala, Banasema, Twende, Tukamumalize. Allons exterminer. Voyez. Venez, disent-ils. Exterminons-le. Du milieu des nations. Katikati, Amataïfa. Et que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Kusababu, parce qu'il y a Kumbuka qui était dans l'Israël. Israël dans le monde entier. Allons l'exterminer. Pour que dunia yote mujima, que le monde entier ne puisse plus jamais citer le nom d'Israël. Ils se concertent tous. D'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Bena fanya agano, ils font ces alliances contre toi, l'Éternel. Bena fanya magano, parce que c'est lui qui fait des alliances contre Israël. Fait des alliances contre Dieu. C'est lui qui fait des alliances contre un enfant de Dieu. Qui fait des complots contre un enfant de Dieu. Il fait des complots contre Dieu. Et Dieu ne peut pas faire réussir les complots qu'un homme. Un homme méchant fait contre son fils. Ça c'est vrai. Il se concerte. Voyez. Israël faire le nom d'Israël dans le monde entier. Et ils font des alliances contre lui. Les tentes d'Edom. Emma, y a Edom. Edom c'est qui? Edom nani? Edom c'est qui? C'est Esaü. Esaü c'est? Esaü na. Esaü c'est qui? Le frère de Jacob, le jumeau de Jacob. Voilà, on dit pas ça. Jacob. Vous voyez? Mon Esaü. Esaü. Et le fils d'Isaac. Toto, et de Rebecca. Na Rebecca. Vous voyez? Mon Et les Ismaélites. Non, Israël. Vous voyez? Mon Les Ismaélites. Bah Ismaël, bah Toto Ismaël. Vous voyez? Mon L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Edom, Edom, c'est la Jordanie. Ninjo Jordanie. Ismaélite, ouais, Ismaël, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Moab, Moab, c'est le Liban. Vous lisez ça. Bah, Libanais, lisez dans votre Bible. J'ai lu dans la Bible. Bien, Moab, c'est Moab, Liban. Ni Liban. Vous voyez, Agarien, Agarien, c'est Iran et Irak. Ni Iran, ni Irak. Gebal, Gebal, c'est une partie d'un peuple libanais. Ni qui parle de moi à taifa ba libanais. Amon. Amon. Et Amalek. Na Amalek. Amalek c'est l'Égypte. Amalek du Mistri. Amon. Amon. Ce sont les enfants de Lot. Jo batoto ya Lot. Les Philistins. Les Philistia. Avec les habitants de Tyr. Non, Akkad, Yakutir. Vous voyez? Mounaona. Tyr, c'est toujours Liban. Tyr, ni Paka. Les Philistins sont les Palestiniens de Gaza. Ni, voilà, Palestiniens, on va venir au Gaza. La Syrie aussi. Syrie, Syrie. La Syrie aussi. La Syrie. La Syrie aussi, c'est joint à eux. Syrie, Anayo, ni Djunga. La Syrie, c'est l'ensemble de tous les territoires arabes. À commencer par l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak, vous voyez, et l'Iran. Iran. C'est l'ancien empire d'Assyrie. Était renfermé tout ce territoire-là. Vous voyez, la Syrie aussi se joint à eux. Il y a donc l'Égypte, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a l'Irak, il y a l'Irak, il y a la Jordanie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les Palestiniens de Gaza. Vous voyez, elle prête son bras aux enfants de l'autre. Même les enfants de l'autre sont en guerre contre Israël. Vous voyez? Quels sont les enfants de l'autre? Dans la Bible, là. Il a eu deux enfants. Balarizala n'a engendré avec ses deux filles. Il y a Moab, pour Moab et Amon. Qu'on a Amon. Même les enfants de Lot se joignent à ces méchants pour attaquer Israël. Vous voyez comment l'écriture révèle les choses. Et ça ne se limite pas là. Traite-les comme Madian. Madian, c'est qui? Madian, Inan. C'est à vous que je pose la question. Madian, c'est qui? Madian, c'est qui? Qui est le père de Madian? Baba, qui est Madian, Inan. Qui est le père de Madian? Abraham. Abraham. Abraham, il a eu avec Sarah. Il a eu avec qui? Avec Ketura. Avazala, na Ketura. Traite-les comme Madian. C'est ma obatende, ça va Madian. Comme Sesira. Ça, Sesira. Sesira. Sesira. C'est le chef militaire des Cananéens. Ou Ascari, ou Cananéa. Vous voyez? Mnaona. Et comme Jabin. Jabin aussi était notre commandant des Cananéens. Ils ont été détruits en dehors. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Dieu est comme ça. Toutes ces nations. Israël. Ou le voisin ou le frère. Un complot contre lui. Ils se sont légués. Dieu a quoi c'est Israël. Extrême. N'avait boulongo yake. Et ça. Mais mon comité va tender à. Moi, je vais agir comme. Les chefs militaires. Je l'avais fait. Des canons. Quoi bien le faire. On a une guerre entre Cana et Israël. Vite à moi, à une autre époque. Israël. Et Dieu pour se venger contre Cana. Il avait décimé tous les chefs militaires qui conduisaient la guerre contre Israël. Tous les chefs militaires cananéens. Et Dieu dit, comme vous ne comprenez pas, vous avez décidé de continuer à aïe, mon bien-aimé, ma propriété, alors j'ai comme je l'avais fait auparavant à vos chefs. Voyez bien mes frères, voyez bien mes sœurs, traite leurs chefs, traite leurs chefs, comme Oreb. Oreb, c'est un chef de Madian. Oreb, si vous voulez lire cette histoire-là, allez lire dans Juge au chapitre 7. À partir du verset 25, vous lirez dans Juge 8, verset 3. Vous voyez, et tous leurs princes. Comme Zebash. Et Tamluna. Ah, ce sont les rois de Madian. Pendant que les Madianites étaient en guerre avec Israël, au temps de Gédéon, ils ont été capturés par Gédéon et ils avaient été tués. Car ils disent, voyez tous ces voisins-là que nous venons de citer, ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Quelles sont les demeures de Dieu? C'est le territoire d'Israël qui est divisé dans 12 tribus. Ils disent, nous allons nous emparer des demeures de Dieu. Mon Dieu rend-les semblables au tourbillon. Au chaume, qu'emporte le vent. Il est pepo, il a pepula. Au feu qui brille la forêt. Voilà moto, il a langusha kampori. À la flamme qui embrasse moto, les montagnes. Mamilima. Poursuis-les. ainsi de la tempête, de ta tempête. Oui, bafuku, oui, bafuate. Voyez. Amen. Et fais-les trembler. De la part. Fais-les trembler par ton ouragan. Na upate watetemesha na uragan yako. Couvre leur face d'ignominie. Ah, uso yabo ipate kupatishwa haya. Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Wapate kupatisha haya mkubwa kusudi watafute. Qu'ils soient confus. Wapate kupata mvuruko. Et épouvantés pour toujours. Na boka kwa lote. Qu'ils soient honteux. Wapate kuwa na haya. Et qu'ils périssent. Na wapote. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Voyez bien mes frères, quelle belle prière. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Depuis qu'Israël est rentré sur son territoire, tous ses ennemis qui osent l'attaquer, Dieu les couvre de honte. Tous les ennemis d'Israël ont toujours la défaite. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui combat pour Israël. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit aux véritables chrétiens, hier dit, ne craignez point. Un chrétien ne doit rien craindre. Il n'y a aucun malheur qui peut arriver à un fils de Dieu sans que Dieu l'ait ordonné. Mais ce qui est entre les mains de Dieu, aucun homme ne peut le ravir. Il n'y a aucun malheur qui peut t'atteindre aussi longtemps que tu es caché en Dieu. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui est notre défenseur. Il est notre arme défensive et notre arme offensive. Il nous protège et il combat pour nous. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que les gens doivent comprendre. Vous voyez bien mes frères. Quand vous voyez ici dans Psaume 83, il y a la Jordanie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a l'Égypte, il y a le Gaza, qui veulent à tout prix s'emparer des territoires d'Israël. Dieu déjà dit, je vais le couvrir de honte. C'est vrai, frère. Maintenant, regardez. La prophétie contre la Jordanie. Ce que nous avons lu dans Psaume 83 concerne et tous. L'Église est avec moi. C'est une prophétie qui concerne tous les voisins. Les neuf voisins qui sont hostiles à Israël. Maintenant, chaque voisin a une prophétie propre à lui. L'Église est avec moi. Qui le voisin Sasa? Chaque voisin. En dehors de la punition globale, générale, de tous les voisins. Mais maintenant, qui le voisin? Qui le pays voisin? Il y a Israël. Mungu Arisema Kintuyuliao. Il a prophétisé quelque chose sur eux. Vous voyez bien mes frères? Maintenant, nous prenons la prophétie contre la Jordanie. La prophétie contre la Jordanie, je prends quelques échantillons. Se trouve dans Sophonie. Chapitre 2. Sophonie 2. Ça, c'est la prophétie que Dieu a donnée contre la Jordanie. Le Mungu a établi Dieu à Jordanie. Ok, vous y êtes? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit sur la Jordanie? Sophonie chapitre 2. Sophonie chapitre 2. N'oubliez pas. Si sabu. La Jordanie. Jordanie. Est occupée par les enfants de Lot. Ibatoto ya Loti jovene kala muli. Les enfants de Lot. Atoto ya Lot. On fait alliance avec les autres Arabes et Palestiniens. Walifanya agano na Palestina na Waarabu wengine. Parce que dans leur cœur, ils méprisent Israël. Ils se sont appuyés sur les autres frères. Et Dieu dit ceci. Comme toi la Jordanie. Vous les enfants de Lot. Vous les Moabites. Et les Ammonites. Non, Ammonites. Vous avez vous aussi conçu de la haine contre Israël. Voilà ce qui vous arrivera. Sophonie chapitre 2. Dans son verset 8. Lisons. J'ai entendu les injures de Moab. Nilishikia matukano ya Moab. Et les outrages des enfants d'Amnon. Na matushi wala matukano ya watoto wa Amnon. Watoto ya Lot. Les enfants de Lot. Quand ils insultaient mon peuple. Wakati walianza kutukana taifa yangu. Et ils s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. Na waranza kushimama na kiburi yote uri yote kwa mipaka yao. Barikuya bana shimama. Bana chambula na kiburi. Avec orgueil. Regardez quand vous êtes en conflit. Avec arrogance. C'est ce que les païens font. Quand vous êtes en conflit avec un voisin. Les voisins se mettent dans son territoire. Na shimama bana chambula voisin. Waye mutatu yamba. Paka ici. Vous allez déménager pour les pauvres, votre maison, elle est petite comme ça, vous allez voir, il ne m'a tété méché. C'est ce que vous voyez souvent, quand deux voisins sont en conflit. Vous allez sentir même le robinet, vous venez puiser de l'eau. Vous ne viendrez plus jamais, je vais bloquer. Il va envoyer les enfants pour fermer même le robinet. Et quand Moab, na Mwakati Moab, la Jordanie, les enfants de Lot, ont fait un complot contre Israël en s'appuyant sur leurs frères arabes et palestiniens. Quand ils ont commencé à insulter et à mépriser Israël, Dieu au ciel écoutait. Il entendait. Maintenant Dieu dit, il est bien te mourir, mais il y a Israël. Vous les avez dites contre moi. Vos injures et vos outrages. Quand vous êtes tenu à la frontière pour mon trajet, j'ai tout entendu. Vous voyez. Toi, tu pensais que le père de la maison, il était en voyage. On a profité à tu en as profité. Pourtant, il était à la maison et tu as profité pour reproduire cette année. Et ici et là, le père est dans la maison en train de t'écouter à ses mousouri. Donc c'est comme ça que le voisin traite mes enfants. Ah, c'est comme ça qu'il me traite. C'est comme ça et on entendait. Votre père lui-même insensé, en a fourni à Mbaya, les enfants d'un voleur, votre maman prostituée. Quand quelqu'un sera colère, il raconte des histoires. lui aussi est calme. Naïe, Baba, Muleko Kimia. Il attend que tu puisses terminer tout ce que tu avais à cœur. C'est alors que nous allons nous revoir à la fin. Lorsque tu as déjà tout craché. C'est ce qui est arrivé avec moi. Et Joe, il est rifika à Moab. J'ai dit. Mungwara Sema. Moi, Batoto ya Lot. Vous, les enfants de Lot. Abraham. J'avais pris Abraham. Na Abraham mubuluma yake. Et Abraham, dans sa miséricorde, sa bonté, il avait aussi pris votre ancêtre. Il a marché avec vous pendant un moment. Et même la propriété, le bien que vous avez fait, c'est par miséricorde, par compassion d'Abraham. Abraham a chuté des guibata de moi. Mais vous avez élevé la voix la mouche, ça, contre les enfants d'Abraham. Vous avez menacé. Vous avez fait un front commun. Avec les Ismaélites, avec Esaü, vous avez pris le caractère d'Esaü, d'Ismaël, et vous êtes contre mes enfants. J'ai tout entendu, même quand vous venez à la frontière pour insulter mon héritage. Écoutez comment Dieu dit. Vous êtes élevé avec beaucoup d'arrogance. Contre ces frontières. Notre frontière, tout est déplacé. Avec ces frontières, nous avons déplacé. Même les territoires, nous avons déplacé. On verra là où tu habiteras. C'est pourquoi je suis vivant. Dit l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Mungu anasema yote vile mnaanza kusema contre Israël, nililishikia, je suis vivant, niko mujima, je le suis. Na, je suis. Jo kile niko, niko. Non, je suis. Niko. Vous voyez bien mes frères. Naona pendo anduku. J'étais là quand vous insultez mon âme. Mwakati mnaanza tukana to wangu nilikuwa hapo. J'ai tout entendu. Yote nilishikia. Moi, le Dieu d'Israël. Mie Mungu wa Israël. Le protecteur d'Israël. Mwenye na kinga Israël. Moi qui lui ai donné cet héritage. Mie nilumpatia ile urithi. Et je l'ai choisi comme mon héritage. Na nilimchakula sawa mulithi wangu. Je suis mon fou. Je ne suis pas. Je suis vivant. Niko mwenye kwa mzima. Je défendrai ma cause. Na mita kombania yangu. Je défendrai mon héritage. Je défendrai mon peuple. Na kombania taifa yangu. Moab. Moab. Maintenant écoutez. Sikia ça. Comme vous avez fait cela. Ore mulifanya leo. Avec arrogance. Na euri yote. Contre Israël. Juu ya kombania Israël. Maintenant écoutez. Sasa mushiki. Toi Moab. Wewe Moab. Tu seras comme Sodome. Utakuwa sawa Sodoma. Et les enfants d'Amno. Na batoto ya Amno. Seront comme Gomorrah. Watakuwa sawa Gomorrah. Si aujourd'hui vous rendez en Israël, il faut que chanter par quoi que Sodome et Gomorrah. On doit seulement te montrer là où il y avait Sodome et Gomorrah. Frère, comme on a fait parler, lorsque vous arrivez là-bas, vous verrez Abata Kwambi. On ne va même pas vous dire. Même la terre, vous avez constaté qu'il y a le feu qui était passé là-bas. Qu'est-ce qu'il y a eu à Sodome et Gomorrah? Le feu de Dieu était descendu sur Sodome et Gomorrah. Dieu avait anéanti complètement ces deux villes méchantes. Il est midi à Batoubabaye. Habiter les méchants, les prostituées, les homosexuels, les meurtriers. Dieu a dit, je vais m'occuper de vous. Toi la Jordanie, oui, Jordanie. Vous les enfants de Lot, moi batoto ya Lot. Comme vous avez insulté mon héritage, et vous avez parlé avec arrogance, je vais vous brûler. Je ferai descendre mon feu du ciel pour vous brûler, et vous serez comme Sodome et Gomorrah. Sodome et Gomorrah aujourd'hui n'existe pas sur la carte. Sodome et Gomorrah leo haikalaki eko pa carte. Et Dieu va brûler la Jordanie. Na Mungu atachoma Jordanie. Là où habitent les enfants de Moab. Mule muneka batoto. Les enfants de Lot. Batoto ya Lot. Et quand il sera brûlé, na kati atachomewa. Israël va récupérer son territoire. Israël atayeba bulongo yake. Voyez frère. Unaona nduku. Lorsque vous êtes en guerre avec un enfant de Dieu, vous les frères qui travaillez dans des entreprises, n'osez jamais vous mettre en conflit avec quelqu'un pour récupérer sa place. Contentez-vous avec la place que Dieu vous a donnée. Dieu te bénira là où il t'a placé. Amen. N'enviez pas votre chef. Lorsque vous commencez des complots, vous faites des complots, sachez-le, la place que tu occupes, la perdra. Amen. Voyez bien mes frères. Non, on doit comprendre. Et Dieu continue. Vous serez comme Sodome et Gomorrhe. Vous les enfants de Lot. Je vous sème la kibouille contre mon héritage. Vous parlez avec l'orgueil, avec arrogance. Les lieux couverts de roses. Il est pas le Munekala. Il y aura des épines. Une mine de sel. Patakuya, Shimu Yanchung. Ah, mine. Pakaïma mine yetu. Ah, ma Shimu yetu. Vous savez, même aujourd'hui, pendant que nous parlons, il est contre il est ngambu, il est Israël et qu'on a extrait un tchouvi, Israël produit du sel. Il est qui prend de yota Sodome et Gomorrhe. La partie. Na il est fouach, pas qui choukoulou, y'a bibi walot. Et là où il y a la statue de. Peko apa ou un ami, tout qu'on a sema. Actuellement, Peko isine, il est qu'on a tchoumi kan tchouvi. Produit du sel. Kama unakuja kunyumba yangu. Si vous venez chez moi, nitakuonesha bulongo. Je vais vous montrer la Sodome et Gomorrhe, na ile fuacha mbao. Bibi walote aregeuka kana kwa mtu. Là où la femme de Lot. Ile mirima yote munene. Ces montagnes-là, c'est déjà transformé en sel. Kama unenda nchuvi ingine iko deformé à l'œil ni bila ta kupitisha. Ça se forme à l'œil ni sans tout faire passer même dans des machines. Utawezi kubeba ile ile ile bulongo. Cette terre-là. Unaweka mumboka. Et vous mettez dans les aliments. Inakuwa salé. Et ça sera salé. Dieu Mungu est à craindre. Ni wa kuongopa. Quoi bien mes frères. Non, pendo anduku. Ouais. Moi je suis le témoin oculaire. J'ai vu ces mines ici, une mine à ciel ouvert, et j'ai vu les usines qui traitent le sel qui viennent de ce territoire. On ne se moque pas de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, il va veiller afin que ça soit accompli tel qu'il a dit. Voyez bien mes frères. Non, non. Ce territoire ici, c'est qu'on appelle le territoire, le pays de Moab. Il est au calibre la mer morte. C'est tout près, il est barrière. Qu'on appelle la mer salée. Dans cette mer-là, il n'y a pas de vie. Rien ne vit là-bas. Même l'insecte. Même pas de vermisson. Il n'y a même pas de poisson. C'est tout est mort. Tout est la mort. Si vous plongez là-bas, comme il n'y a pas de vie, tu vas monter, on dirait le ballon d'air. Voyez, il est maï. C'est. Il y a mer salée. Les mers salées. Il conserve rien à l'intérêt parce qu'il n'y a pas de vie. C'est une eau sans vie. Il n'y a pas moyen que tu puisses descendre. Même si vous êtes costaud, vous allez monter comme le ballon d'air. Vous voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Si vous voulez goûter cette eau-là, je l'ai à la maison. J'avais amené l'eau salée. Il y a coulé que Sodome et Gomorrhe. Nanchumvi yenyewe. Il y a une mer morte. Et de l'eau. Vous voyez bien mes frères. Les lieux couverts de roses. Il est une mine de sel. Il est bon et calme. Un désert pour toujours. Mais t'as quoi, Django? Oui, oui. Jusqu'aujourd'hui. Il y en a les. Ce territoire ici, c'est un désert. Oui, bien mes frères. Le reste de mon peuple le pillera. Na mabaki ataifa yangu itenda kuingia au moto kunyang'anya. Va piller cela. Va exploiter cela. Itenda kuitumikisha. Vous voyez? Le reste de mon peuple. Na mabaki ataifa yangu. Batoto Israël. Fan d'Israël. Batenda kutumikisha ile. Pour aller exploiter. Cela leur arrivera. Il était affiqué pour leur orgueil. Dieu a éhuriabo. Parce qu'ils ont insulté. Sababu, et traité avec arrogance. Le peuple de l'Éternel. Le peuple de l'Éternel des armées. Taifa amirio la majesi. Car cela. Kwa hile. Leur arrivera. Il était affiqué pour leur orgueil. Dieu a kiburiabo. Parce qu'ils ont insulté. Sababu, waritukana. Et traité avec arrogance, le peuple de l'Éternel désarmé. Taifa ya wamilele wa majeshi. L'Éternel sera terrible contre eux. Wamilele atakuya kushangaisha juu ya. Car il supprimera tous les dieux de la terre. Atajimisha miungu yote. Et chacun l'adorera dans son pays. Na kila mutu atamwabudu muichi yake. Tous les pays, dans toutes les îles des nations. Ata mabisanga yote ya mataifa. Vous voyez frère. Munaona nduku. Vous voyez sœur. Munaona dada. Soyons humbles. Tuwe banyenyekevu. Soyons humbles. Tuwe banyenyekevu. Et soyons doux. Na tuwe wapole. L'arrogance. Kiburi. Et l'orgueil. Yeuri. Ne vient pas de Dieu. Aitokea na kichwa msumari, aitokea kwa Mungu. Ne parle jamais. Contre un fils de Dieu, contre une fille de Dieu, avec arrogance et avec orgueil, même pendant une période où vous sentez être fort, où vous sentez être en bonne santé, où vous sentez que vous avez l'argent, vous pouvez acheter tout le monde, Dieu fort pendant cette période là, il est toujours de sagesse. La sagesse vous conduira dans l'humilité et dans la douceur. Parlez toujours avec humilité et avec douceur à vos frères et vos sœurs. Mais pendant que vous êtes fort, si vous vous élevez, la Bible dit, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Celui qui s'élève sera abaissé. La Jordanie s'est élevée contre Israël. J'ai dit, je vais t'abaisser à cause de ton orgueil et à cause de ton arrogance. Et à cause de ton arrogance, l'Éternel sera terrible contre eux. C'est vrai, frère. Atakuakali contre eux. Vous voyez, frère, Maona. Ils subiront la colère de l'Éternel. Watashikia, kasi ya Mungu. Mais nous, en tant que fils de Dieu, Mungu, nous ne voulons pas subir la colère de atupende Dieu. Pokea kasi ya Mungu. Nous ne voulons pas subir la rigueur de atupende Dieu. Kushikia ukali ya Mungu. Mais nous voulons lakini profiter de la grâce de Dieu. Na neema ya Mungu. Nous implorons sa miséricorde. Nous disons, Seigneur, Bwana, sois miséricordieux avec nous. Na shie. Ne nous traite pas dans ta colère, mais traite-nous dans ta miséricorde. Nous ne voulons pas être traités dans ta justice, parce que devant ta justice, j'ai tombé. Mais regarde-moi avec amour, regarde-moi avec miséricorde, à travers les 100 versets. Les 100 versets au bois du calvaire, c'est de cette manière que nous voulons. Nous ne voulons pas que Dieu nous traite dans sa colère. Devant la colère de Dieu, aucun homme ne peut subsister, mais dans sa miséricorde, parce que sa miséricorde tira toujours. Il est riche en bonté et en miséricorde. C'est pourquoi chaque fois, même quand nous nous sentons menacés, nous implorons la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. C'est ça la prophétie contre la Jordanie. Les enfants de Lot, Moab et les Amnon. Dieu dit, ils seront comme Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé Israël. Ils l'ont traité avec mépris. Ils ont parlé avec Israël avec beaucoup d'arrogance. Et moi aussi, je serai terrible contre eux. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour un mot de prière. Les techniciens ont manqué de projeter la carte. On va préparer ça pour demain. Prions-nous tous ensemble. Soyons humbles. Ne nous comportons pas comme des méchants. N'ayez jamais l'esprit de la vengeance contre les enfants de Dieu. Ne le faites pas. Parlez toujours avec humilité. Parlez toujours avec douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Prions-nous tous ensemble.